d'aversion envers aucun homme politique. Je dissocie pleinement le malade de la maladie. Je ne vais parler ici que des plus médiatisés. Ceux montrés d'une façon quasi obscène. Intenable, comme une promesse électorale sous ses airs de morale, d'enfant de chorale. Si la vie publique géopolitique s'avère souvent puérile, faite de luttes de partis, d'égo et de débats stériles, sa vie privée n'en est pas moins indécente, exhibée de manière incessante. Et si cette mise en avant du scandale m'apparaît comme inintéressante, voire perverse, il semble qu'elle plaise. Tout ce pêle-mêle me laisse perplexe, car je ne comprends que peu ou pas cette personne qui cherche vainement le pouvoir. Pourquoi être important dans ce manège, hormis pour jouir d'un florilège, de vains privilèges? Ne plus avoir de convictions, de propres pensées, pour goûter une certaine condition me semble insensé. Là où certains voient des hommes puissants, je ne vois que des automates insignifiants. Piégé par les attraits du pouvoir, combien oublie qu'il n'est pas une fin mais un moyen. Ceux qui voulaient s'en emparer finissent empalés au sommet d'une pyramide, se pliant aux remous endiablés de ses fondations ensablées. Et à sa tyrannie, le pouvoir est un mirage, son discours est maquillage. Il doit draguer l'opposition tout en conservant les clivages et se sent ternir son image. Pris dans l'étau entre la coercition de l'opinion publique, celle du sillon d'aspirants ayant pour ambition sa position, ainsi que celle des marchés des grandes richesses. J'imagine mal la marge de manœuvre qu'il reste. Le milieu des hautes fonctions est si combatif, il y règne avidité, duplicité, convoitise. La moindre vertu y est une faiblesse, mais heureusement la machine te contamine. Je compatis envers ceux qui baignent dans ce contexte de compète complexe. Ego surdimensionné converge où les dents sont souvent aussi longs que les bras, où la névrose sclérose la portée du débat. Servir l'intérêt général n'est pas tâche aisée pour ceux. Il faut être apaisé, être libéré des passions et tentations, afin que juste et altruiste soient les actions. Et pour toutes ces raisons, les hautes fonctions sont perverties. Ceux qui y sont ne sont pas aptes à leur exercice. Ce paradoxe met en échec le système, le manque de diversité sociale manifeste de la classe dirigeante, ainsi que l'étroitesse de son parcours atteste ses incapacités à représenter l'ensemble et la complexité d'une société qui se devrait de respecter toutes les identités. Non, elle n'en est pas apte. Elle n'est qu'une arène écarlate, et malgré les sérénades de tous ces énarques, l'intérêt général croule sous les jérémiades.